se sont retrouvés. Chacun s'en souvient. À Rome, c'était le grand soir. Ils sont arrivés dans leurs autos noirs. Les hommes. Chacun se souvient à Rome.